visage me dit quelque chose. J't'ai déjà croisé dans la ville. Je vais pas te mentir, j'ai pas maté tes choses. T'es la plus fraîche si tu veux mon avis. Vas-y, prends mon tel, quand tu veux t'appeler, je serai à l'hôtel. Dans un nuage de fumée, j'te vois derrière les vitres teintées. Ça sent vécu t'es rinté. Regarde-moi dans les yeux, j'deviens amnésique. J'crois que ton corps me rappelle des souvenirs d'Amérique. Bébé, là j'ai envie de faire le dingue, fais-moi oublier le Benz. Bébé, là j'ai envie de faire le dingue, fais-moi oublier le Benz. Angela, j'ai pas peur, non, non, j'ai pas de cœur, ouais, mais j'prendrai soin de toi comme la recette d'un braqueur, ouais, ouais. Atikio, pas en dessous, mais en dessous. J'fais des tas de billets, viens m'en prendre un petit peu, tu vois le Porsche. J'suis en dessous, j'suis dans le zoo. Mais t'es la seule que j'laisserai me descendre à petit feu. Angela.